Slimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a annoncé ce vendredi que les fonctionnaires de l'État régis par des statuts spéciaux percevront leur traitement de fin du mois suivant la nouvelle politique salariale dès ce mois de juillet. Alors que la journée du 11 juillet est dédiée chaque année à la population, le directeur national de l'organisation PARSEM estime que les conditions de vie de la population burundaise nécessitent une attention particulière du gouvernement. Et le quartier Rumonyi, au chef-lieu de la commune Bururi en province de Burunga, n'est pas électrifié malgré les demandes formulées depuis plus de 10 ans. De quoi susciter la colère des habitants. Et à la une de l'actualité africaine, cet accord historique signé ce jeudi 10 juillet entre le gouvernement centrafricain et les deux groupes rebelles que sont l'UPC et les 3R, ils ont décidé de déposer définitivement les armes. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les fonctionnaires de l'État régis par des statuts spéciaux percevront leur traitement de fin du mois suivant la nouvelle politique salariale dès ce mois de juillet. Annonce faite ce vendredi par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi à l'issue d'une réunion tenue avec les représentants de différents ministères sectoriels visant à bien soigner le traitement des dossiers administratifs et des salaires. Venuste Muyabaga a également appelé les gestionnaires des ressources humaines à toujours défendre les droits de leurs collègues. Suivez-le. La raison d'être de cette évaluation, c'était pour éliminer ces imperfections. Donc, nous pouvons dire sans nous tromper qu'après validation de cette évaluation, on va gérer la mise en application et on va gérer la politique salariale. Concernant les institutions à statut spécial, je l'ai dit, son excellence le Premier ministre l'a dit lors de l'émission publique, le ministère des Finances a aussi complété. Donc, on ne peut jamais prendre à l'écart une catégorie des cadres de l'État. Le personnel de ces institutions, ce sont les enfants du pays. Ils participent au développement du pays. La politique salariale et les concerne. Donc, l'équipe mise en place qui est pilotée par la primature vraiment est à l'œuvre à chaque instant. Il va produire un rapport définitif, il va produire un rapport. Le ministère des Finances a rassuré qu'au niveau du budget, on a prévu une ligne budgétaire qui se chargera de la mise en application de ce qui aura été décidé. Et l'État est là pour chercher des fonds nécessaires pour la mise en application de cette politique. L'essentiel est que la ligne budgétaire est là. L'essentiel est que l'équipe est au travail. L'essentiel est que la volonté du gouvernement est là pour clôturer cette question, parce que dès le commencement de cette politique, il avait été prévu qu'il sera exécuté en deux phases. La première phase des fonctionnaires, la deuxième phase du personnel de ces institutions. Maintenant, tout était en marche. Donc, il faut que ces fonctionnaires, il faut que ces agents de l'État, il faut que ces cadres soient bien organisés, il faut qu'ils soient à l'aise pour pouvoir bien accompagner ce processus. Envers les responsables des ressources humaines, c'est toujours veiller à ce que les droits du personnel soient respectés. Ça concerne tous les aspects d'un employé. C'est la mission première. Que ce soit ce qu'un fonctionnaire réclame, ce que ça un employé réclame, que ce soit les droits qu'ils doivent même avoir sans réclamation, sans avoir réclamé, il faut que le fonctionnaire se trouve dans son assiette en exerçant son travail. C'était le ministre Venuste Muyabaga, c'est le ministre en charge de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Le 11 juillet est une journée mondiale dédiée chaque année à la population. Le directeur national de l'organisation PARSEM estime que les conditions de vie de la population burundaise nécessitent une attention particulière du gouvernement. Faustin Ndikumana appelle à une introspection pour prendre des mesures afin d'orienter le Burundi à un développement réel. On l'écoute. Cette journée arrive au moment où le Burundi vient d'organiser un recensement général de la population qui, à travers ses résultats, montre que la population burundaise est estimée à 13 millions. C'est une population élevée par rapport à la superficie de notre pays, parce que dans certains coins du pays, on constate qu'il y a plus de 10 000 personnes par kilomètre carré. L'une des densités les plus fortes en Afrique, voire même au monde. Et cela a des répercussions négatives sur les conditions de vie de la population et sur la gestion des ressources naturelles, notamment les terres agricoles. Aujourd'hui, on estime en moyenne que la famille burundaise exploite moins de 0,5 hectare. 30% des Burundais sont sans terre agricole. Le taux d'urbanisation est très faible. La déforestation est là suite à cette pression démographique sur les ressources naturelles, d'où une insuffisance de la production agricole, de la production alimentaire, provoquant une inflation galopante des produits alimentaires, qui est à la base du taux de malnutrition actuel, du taux d'insécurité alimentaire, de l'éducation. Les enfants sont en nombre dans les classes, il n'y a pas d'équipement, les livres, les bancs, les pupitres dans les écoles. L'emploi des jeunes actuellement qui est problématique, beaucoup de jeunes partent à l'étranger. Le taux de pauvreté qui est à plus de 70%, le taux de croissance est à moins de 3%, alors que le taux de croissance démographique est explosif et galopante. La situation de santé, les services de santé qui, la qualité des services de santé qui diminue progressivement, alors que les dépenses catastrophiques dans ce secteur deviennent de plus en plus nombreuses. Et on a cité un départ massif des médecins à l'étranger suite à leurs conditions de traitement, sans parler de la rareté actuelle des produits de première nécessité qui compliquent la vie de la population, le carburant, le déplacement, la mobilité des personnes. Donc, je crois qu'actuellement, les conditions de vie de la population nécessitent une attention particulière du gouvernement. C'est pour cela qu'on lance un vibrant appel au gouvernement. Il faut qu'il y ait une introspection de la part du gouvernement pour prendre des mesures concrètes pour orienter le Burundi sur le chemin de développement, afin que les Burundais puissent au moins commencer à savourer les dividendes de développement tant attendus depuis longtemps. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour la population trouve que l'autonomisation des jeunes à travers différents domaines comme la santé, l'économie et l'emploi est essentielle pour qu'ils deviennent des parents responsables. Judy Kayel Eligé, représentant résident du FUNIWAP au Burundi, a bien signalé que d'après le recensement de la population de 2024, le constat a été que les jeunes de moins de 25 ans représentent 64% de la population, ce qui montre que la population burundaise est jeune. La population burundaise, dont on a une idée beaucoup plus claire à l'issue du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage qui s'est terminé en 2024, est estimée à 12,3 millions d'habitants. Et cette population est en majorité jeune et en grande partie féminine, avec plus de 52% de la population qui est de sexe féminin. Il faut savoir que les jeunes de moins de 15 ans représente 45% de la population, ceux de moins de 18 ans 52% et ceux de moins de 25 ans représentent 64,2%. Cela démontre à quel point la population burundaise est jeune. La moitié de la population burundaise a moins de 17 ans. Et donc, si nous voulons transformer ensemble le Burundi, comme cela est clairement marqué dans la vision 2040 et 2060 que le pays s'est librement donné, il faut massivement investir dans les jeunes et leur permettre de devenir des adultes responsables qui contribuent de manière effective à l'économie du pays et permettent cette transformation structurelle que nous voulons. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime qu'autonomiser les jeunes à travers différentes actions, aussi bien en matière économique, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de leur participation à la gouvernance et du leadership, est quelque chose d'essentiel. Il faut souligner que les jeunes veulent devenir des parents. Dans le cas Burundi, c'est essentiellement vrai. Nous avons, le Fonds des Nations Unies pour la population, mené une étude globale pour essayer d'avoir la perception des jeunes sur cette question. Le choix des jeunes en voulant devenir parents, c'est que dans un monde en mutation, ils veulent être parents en leur propre terme, même s'ils ont besoin de l'accompagnement des adultes. Quoique, en tant qu'adultes, on peut les accompagner, ils ont besoin de pouvoir faire ces choix autonomes eux-mêmes. En tant qu'adultes, on doit pouvoir être capable de pouvoir accompagner ces jeunes dans leur transition vers l'âge adulte. Le quartier Rumogni au chef-lieu de la commune Bururi en province Burunga n'est pas électrifié malgré les demandes formulées depuis plus de 10 ans. De quoi susciter la colère des habitants qui imputent les échecs scolaires et les cas de banditisme nocturne à ce manque de courant électrique, sans oublier que même les activités génératrices de revenus nécessitant du courant électrique sont quasiment impossibles dans ce quartier urbain. Le responsable de la régie des eaux dans la région sud appelle ses habitants à s'armer de patience et les rassure que les préparatifs pour alimenter leur quartier sont déjà en cours. Zénon Zambiman. Ces habitants d'une partie du quartier Rumogni du chef-lieu de la commune Bururi grognent qu'ils viennent de passer plus de 10 ans sans électricité, alors qu'ils ont formulé des demandes à la régie des eaux à maintes reprises. Certains se demandent ce qui manque pour que la régie des eaux puisse faire l'extension, surtout qu'une partie de son quartier est alimentée en électricité. Les cas de banditisme qui se observent quelquefois perpétrés par les voleurs du petit bétail qui profitent de l'obscurité, les échecs scolaires chez les enfants de ce quartier suite au manque d'électricité et certaines activités génératrices de revenus quasiment impossibles dans cette localité toujours dans le noir sont parmi les conséquences suite à ce manque du courant électrique. Toutefois, une lueur d'espoir s'annonce déjà suite à l'augmentation de l'énergie hydroélectrique au Burundi, selon les habitants de Rumonyi. Ils espèrent que tout ce quartier sera également alimenté en électricité, surtout que la centrale hydroélectrique Jiji en commune Songa de l'ancienne province Bururi, qui produit 32,5 MW, a été inaugurée par le président de la République la fin du mois de juin écoulé. Au niveau de la régie des zones de la région sud du Burundi, l'on indique que les préparatifs pour l'exécution des travaux d'extension de cette partie du quartier Rumonyi non alimenté en électricité sont déjà en cours et les habitants de ce quartier sont appelés à user de la patience. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Un dépotoir clandestin se trouvant dans le quartier Guissio de la zone Kanyosha menace la vie des habitants de cette localité. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters réclament l'enlèvement de ces ordures suivi de la réhabilitation de cet endroit dans le but de lutter contre les inondations. Le conseiller chargé des affaires économiques en commune, Mukaza, fait savoir qu'ils ont adressé cette doléance à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bourra et qu'ils attendent la concrétisation de ces promesses. Reportage Jean-Marie Vianengendakoumana. Ces habitants du quartier Guissio se trouvant au sud de la ville de Bujumbura indiquent que ce dépotoir clandestin sert à la protection contre les inondations dans cette localité. Le 2 suggère la réhabilitation de cet endroit une fois que ce dépotoir clandestin serait éloigné de son milieu. Nous demanderions qu'ils construisent un mur de soutènement pour nous protéger. Car ces ordures nous protègent contre les eaux déployées. Et donc, si on enlève ces ordures et que cette place soit mise à nu, cela pourrait mettre en danger ces maisons. Ce que nous demanderions, en tant que l'une des personnes qui vivent ici, qu'ils construisent des murs de soutènement pour remplacer ces ordures. Veniste Ndabagoye, conseiller chargé des affaires économiques au sein de la commune Muha, fait savoir qu'ils ont adressé cette doléance à l'Obuha tout en précisant que cette institution a permis la réhabilitation de cet endroit. Ce qu'on envisage de faire comme administration, on a parlé avec l'Obuha. Comme vous voyez, c'est un site bien viabilisé. Et alors, l'Obuha, qui compte avoir des parcelles là, veut faire le remblayage de son fossé afin qu'il trouve des parcelles pour attribuer aux personnes qui en demandent. Et avant que le Bourra fasse ces travaux, pendant le PCDC, on a préparé un site pour un dépotoir. Et ce site va servir à la population pour y mettre des déchets. En attendant le début de cette réhabilitation, Veniste Ndabagoye demande aux habitants de son quartier Guissio de se faire inscrire dans les associations chargées d'évacuer les déchets ménagers. Merci Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le gouvernement devrait faire recours aux partenaires du Burundi en vue de résoudre définitivement la question du manque d'enseignants qui persiste dans le pays. Réaction du président de la coalition Éducation pour tous, Wafashebige, après l'annonce par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique du recrutement de 2000 enseignants au niveau du fondamental et post-fondamental et plus de 100 à l'enseignement supérieur. Jean Samandari trouve que c'est quand même mieux que rien, tout en faisant remarquer que le budget de l'État ne peut à lui seul couvrir les besoins oscillants autour de 10 000 enseignants. Suivez-le. C'est une réaction positive que nous pouvons dire que nous remercions d'abord le gouvernement du Burundi à travers le ministère de l'Éducation dans ses attributions. Mais si les besoins étaient estimés à environ 10 000 et qu'on va recruter 2 000, il y a toujours cette carence, ce déficit d'à peu près 8 000 ou plus de 5 000 enseignants qui manquent. Mais je pense qu'on va toujours encourager le gouvernement pour que demain ou après-demain, cette question puisse trouver des réponses définitives. C'est un processus et on peut aussi donner des propositions aux différentes interventions des partenaires. Le gouvernement doit toujours consulter ses partenaires pour qu'ils puissent appuyer exactement pour combler ces vides. Sinon, vous voyez que le budget alloué à l'éducation, c'est un budget quand même qui est raisonnable. Nous savons qu'à un certain moment, on est arrivé même à plus de 20% du budget national. Un seul ministère. Comme il y a plusieurs services, comme il y a plusieurs ministères, on ne peut pas dire que le budget national doit seulement être affecté au ministère de l'Éducation. C'est impossible. C'est cette proposition-là que je peux suggérer, que le gouvernement, en dehors du budget national, doit nouer de bonnes relations avec les différents partenaires qui peuvent appuyer au niveau du budget du ministère de l'Éducation par le recrutement des enseignants pour combler ce vide. Et pour boucler l'actualité nationale, beaucoup d'adolescents puisent leurs informations en matière de santé sexuelle et reproductive, des sources qui ne sont pas rassurantes et surtout sur les réseaux sociaux. C'est le constat d'André Florian Darushimana, psychologue clinicien Kayanza, et qui a partagé ce constat ce jeudi à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de sensibilisation des leaders religieux sur leur rôle dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Patrick Senghiumfa. Dans son discours d'ouverture officiel de cet atelier de sensibilisation des leaders religieux sur les rôles dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, Justine Ekomeza Dusabe, secrétaire exécutive et permanente de l'administrateur communal Kayanza, a exprimé son inquiétude face à la dégradation de l'éducation des jeunes. Elle a fait savoir que cette situation est notamment causée par l'usage excessif des réseaux sociaux, ce qui pousse les jeunes à recueillir à l'usage excessif des réseaux sociaux par des jeunes, ce qui les pousse à recueillir sur ces réseaux sociaux des informations fausses sur la santé sexuelle et reproductive. Justine Ekomeza Dusabe a appelé les parties prenantes en matière de l'éducation à conjuguer les efforts dans le redressement de l'éducation des jeunes. De son côté, André Florian Dabarushimana, l'un des organisateurs de cet atelier, a indiqué que cette rencontre a pour but d'uniformiser le message à transmettre aux jeunes en ce qui est de la santé sexuelle et reproductive. Il a souligné que les jeunes ne fréquentent plus en grande quantité les centres d'hygiène et les centres de santé amis des jeunes, ce qui limite leur accès à des informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. André Florian Dabarushimana a appelé également les parents à renforcer l'éducation familiale de base dans leur ménage pour que les jeunes adolescents ne se tournent pas vers des sources non sûres sur la santé sexuelle et reproductive. Depuis la commune Kayanza de la province Butanyerera, Patrick Nsengiyumva pour la radio. Merci Patrick, vous voudrez bien nous excuser pour ces petites erreurs de nettoyage de cet élément sonore. Et à la une de l'actualité africaine, c'est certainement l'image de la semaine qui sera gravée dans le cœur des millions de Centrafricains. Le tout-puissant chef rebelle Ali Ndarassa dépose officiellement son arme, un geste symbolique et fort en face du président centrafricain, des représentants du Tchad et de plusieurs organisations qui signent l'arrêt définitif des hostilités entre l'UPC et le pouvoir de Bangui. Ceci intervient à l'occasion de la signature des accords de paix entre les deux groupes rebelles que sont l'UPC, les 3R et le gouvernement centrafricain. Les accords signés au 10 juillet 2025 à Bangui officialisent ainsi la dissolution de ces deux mouvements militaires qui occupaient depuis une décennie l'extrême est, le centre, l'ouest, le nord et le nord-ouest de la RCA. Présente à Bangui pour la circonstance, Ali Ndarassa et Sende Bobo, les deux puissants chefs de guerre, ont répondu, selon le président Faustin Archange Touadéra, à une ferme volonté de restaurer la paix à travers le dialogue. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.